pourquoi j'ai pas de caméra, je viens de comprendre. Bon, c'est pas grave. Ouais, comme tu vois, j'utilise pas vraiment de VST. Oui, j'ai constaté, ouais. Alors que moi, je suis à fond là-dedans maintenant, j'ai tout vendu. D'ailleurs, moi, les pianos comme toi, je sais pas si ça doit pas. Non, Attends. mais le VST, quand tu es en concert, tout Bah, bien. stage, c'est ça. Stage ou suitcase? Ouais, je sais. Ouais, tu m'étonnes. Si, surtout si ça se met à bugger, ce bordel là. Non, c'est un stage. Non, mais le suitcase, c'est trop lourd et en plus, ça... Tiens, j'ai un. Et puis, ça sonne pas. En fait, t'es vachement limité, C'est quoi. quoi? Parce que t'es limité par le préampli en fait, tandis qu'un stage, tu peux passer par différents préamplis, c'est autre chose, quoi. Ouais. Là, si je passe par des préamplis différents, je vais avoir d'autres sons, tu vois. Je sens bien le son que t'as. Je l'ai eu ce piano en plus, c'est vrai qu'il est. Par contre, mes voisins, ils aimaient pas. Enfin, à l'époque, j'avais ça dans un HLM. Là, je suis en maison. Thank you.